السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons بإذن الله تبارك وتعالى la lecture de notre poème concernant les étapes et degrés par lesquels doit obligatoirement passer celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. De l'éminent savant, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit rahimahullah: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. Il nous dit, parmi les étapes par lesquelles chemine ce qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils font patienter leurs âmes face à tout désagrément, désirant ce qu'il y a en cela comme bienfaisance. Donc ici, il nous cite, rahimahullah, le degré de As-sabr, la patience, l'endurance, qui est un degré immense, à propos duquel il est dit qu'il est nisfuddin, la moitié de la religion. Nisfu shukrin, donc une moitié qui est la reconnaissance, ou nisfu sabrin, une autre moitié qui est la patience et l'endurance. Et donc la patience par laquelle toute personne qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala doit passer. La patience, l'endurance, premièrement, face aux actes obligatoires, jusqu'à les accomplir comme il se doit. Donc la personne patiente retient son âme sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'endurance, la patience face aux péchés, pour ne pas les accomplir et ne pas y tomber. Donc elle retient aussi son âme pour ne pas tomber dans les péchés. Et troisièmement, la patience face aux décrets douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu décréter sur son serviteur, par sagesse que lui seul cerne subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala: Innahu man yattaqi wa yasbir فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, celui qui fait preuve de piété et endure, patiente, alors Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et certes, les endurants auront leur récompense sans compter. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Et si vous faites preuve de patience et de piété, alors leur ruse ne vous nuira en rien. Et il a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est certes en perdition jusqu'à sa parole, subhanahu, et s'enjoignent mutuellement la patience. Et donc, bien d'autres preuves qui, comme cité l'imam Ahmed, rahimahullah, atteignent le nombre de 90 passages dans le Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la patience, dans lequel la patience est citée. Et il a été rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Ma u'tiya 'abdun 'ata'an khayran wa la awsa'a min as-sabr. Il n'a été donné à aucun serviteur un don meilleur et plus large que as-sabr, donc la patience, l'endurance. Donc as-sabr, qui est comme cité le fait de retenir son âme et sa langue et ses membres sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et de les retenir face à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas y tomber, ainsi que de retenir son âme et son cœur de se mettre en colère face aux décrets douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter pour le serviteur, ainsi que sa langue et ses membres, afin de ne pas prononcer ou accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste comme acte. Puis l'auteur, rahimahullah, après avoir cité As-Sabr, passe à un degré qui est au-dessus de As-Sabr, de la patience, de l'endurance. Ce degré est celui de Ar-Ridha, l'agrément. Dans sa parole, rahimahullah, qui nous dit Nazalou bimanzilati ar-Ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amanin. Il nous dit, rahimahullah, ils ont pris place dans le degré de l'agrément. Et par cela, ils se seront trouvés sous une protection et en sûreté. Donc ici, après avoir cité le degré de la patience, as-sabr, donc qui est un degré obligatoire. Donc il est obligatoire à toute personne de patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter face au péché et de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent être douloureux. Et ici, ensuite, nous avons le degré qui est au-dessus, qui est ar-ridha, l'agrément. Donc, qui est un degré qui est immense et qui est au-dessus de as-sabr, de la patience. Qui est le fait, comme nous le dit l'auteur lui-même dans son explication, que le serviteur accueille les jugements d'Allah religieux et universels prédestinés avec satisfaction, joie de l'âme et non avec répugnance et mépris. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve, ou Allah lui ordonne une chose, ou Allah décrète une chose pour ou contre lui, alors le serviteur accepte cela avec joie, satisfaction. Il est agréé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour ou contre lui. Donc pour ce serviteur, cela est égal que cette épreuve ou autre décret d'Allah subhanahu wa ta'ala se produise ou non, car il est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui provient de lui subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur qui a atteint ce degré-là se retrouve dans un paradis intérieur, et une sûreté, comme l'a cité l'auteur, rahimahullah, fi jannatin wa amanin. Donc il est en sûreté, et il est constamment apaisé, il est constamment agréé de tout ce que décrète son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit, à propos des premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, il nous dit subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Allah est agréé d'eux et ils sont agréés de lui et ils l'ont agréé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: a goûté au goût de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et donc parmi les immenses mérites à obtenir par le fait de concrétiser ce degré qui est ar-ridha, en plus de l'apaisement du cœur et la tranquillité dans laquelle se trouve celui qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que par cela, le serviteur obtient aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Quiconque alors est agréé obtient l'agrément. Et quiconque et qu'en colère, obtient la colère. Donc, ar-ridha, qui est un degré immense, par lequel le serviteur obtient, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, l'apaisement du cœur, la tranquillité, la sûreté, et il obtient en plus de cela, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanum min Allahi akbar. Puis, après cela, après le degré de l'agrément, l'auteur, rahimahullah, nous cite encore une fois un degré plus immense encore que celui de ar-ridha, donc un degré qui est au-dessus du degré de l'agrément, qui est ash-shukr, la reconnaissance. Il nous dit, rahimahullah, shakaru alladhi awla al-khala'iq fadlahu bil-qalbi wal-aqwali wal-arkan. Il remercie celui qui a comblé les créatures de sa grâce par le cœur, les paroles et les membres. Donc ici, manzilatu shukr, le degré de la reconnaissance. Où le serviteur ici, donc en plus d'être agréé de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il le remercie pour les épreuves qu'il a pu décréter pour lui. Donc, le serviteur remercie Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'il lui arrive un mal, lorsqu'il est touché par une épreuve. Cela, du fait de sa grande connaissance qu'il a de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sa sagesse dans ce qu'il décrète, la connaissance qu'il a de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa parfaite science, et la certitude qu'a ce serviteur quant au fait que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter pour lui est au final pour lui un bien. Comme cela peut être une élévation en degré par le mal qu'il a touché, ou bien une expiation des péchés, ou bien cela peut le préserver d'un mal, pire que cela, d'une maladie du cœur qui aura pu le faire tomber dans la perdition, qui aura pu être fatale pour lui ou autre. Donc il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète pour lui que ce qui va être un bien au final. Donc il remercie son Seigneur en tout temps. Lorsqu'il reçoit de lui un bienfait, il le remercie. Comment ? Premièrement, par le fait de reconnaître par son cœur que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Et vous n'avez aucun bienfait sans qu'il provienne d'Allah. Par sa langue, par le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de le remercier, par le fait de citer cela aux gens, comme le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé tel ou tel bienfait, comme Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-le. Et le fait d'être reconnaissant par les membres, par le fait d'utiliser ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit, اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Ô famille de Daoud, œuvrez par reconnaissance et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc le serviteur est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui lui arrive. Et en plus de cela, il remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala comme cité lorsqu'il lui arrive une chose qu'il déteste. Cela pour le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire découler de cela. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ajaban li amri al-mu'min » est étonnante l'affaire du croyant. « Fa inna amrahu kullahu khayr » car certes, toute son affaire est pour lui un bien. « In asabahu khayrun shakar fa kana khayran la » Si jamais il est touché par un bien, il est reconnaissant, alors cela est un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّاءٌ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. Et si jamais il est touché par un mal, il patiente, il endure, et cela donc est pour lui un bien. Et concernant le choukr, donc les gens de science divisent le choukr en deux catégories. Donc la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. La première qui est le choukr obligatoire, le choukr wajib. Cela se fait par l'accomplissement des ordres obligatoires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cité dans le verset précédent, où Allah dit à Ali Daoud, après avoir cité les bienfaits qu'il leur a accordés, « Irmalu ala Daoud shukra wa qalilum min ibadi ash-shakur. » Ô famille de Daoud, œuvrez par reconnaissance et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Puis deuxièmement, le shukr al-mustahab, le shukr qui est préférable. Cela par l'accomplissement des actes surérogatoires après avoir fait ce qui est obligatoire. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il fut questionné quant au fait qu'il priait de longues nuits ou qu'il restait éveillé de longues nuits en prière à tel point où ses pieds se sont fendus, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, « Pourquoi ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?»« Afala akunu abdan shakuran » Donc ici, « manzilatu ash-shukr » Puis après cela, l'auteur rahimahullah nous dit, صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. Ils placent leur confiance en Allah dans chacune de leurs affaires, tout en prodiguant des efforts dans l'agrément du tout miséricordieux. Donc ici, il nous cite, rahimahullah, le degré du tawakkul, donc le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir confiance en lui. Donc il fait partie aussi des immenses actes d'adoration du cœur, qu'il est interdit de diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et des étapes par lesquelles doit obligatoirement passer celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul. Donc, le tawakkul qui est la base de laquelle découlent toutes les œuvres de bien accomplies par le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah yuhibbul mutawakkilin » Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Il nous dit subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, et en Allah seul placez votre confiance si vous êtes véritablement croyant. Donc le tawakkul qui est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en remettre à lui pour l'obtention des intérêts qu'il souhaite et pour que soient éloignées de lui les choses nuisibles. Tout cela en accomplissant les causes légiférées ou les causes licites. Donc la personne place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et accomplit les causes en plaçant son cœur, en accrochant son cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ici, on comprend que le fait d'accomplir les causes ne va aucunement à l'encontre du tawakkul. Mais bien au contraire, le fait que la personne fasse les causes fait partie du bon tawakkul. Comme le faisait Sayyidul Mutawakkilin sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui est à la tête de tous les mutawakkilin, de tous ceux qui passent la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avait pour habitude d'accomplir les causes. Donc la personne accomplit les causes, mais ne place aucunement sa confiance sur les causes. Donc le fait de placer sa confiance sur les causes et de diriger son cœur vers les causes est une forme de shirk, d'association. Donc la personne ne dirige son cœur que vers Allah subhanahu wa ta'ala seul lors de l'accomplissement des causes et sait que ces causes ne peuvent avoir d'impact que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Puis l'auteur, rahimahullah, passe à notre manzila. Il nous dit, rahimahullah, عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Il nous dit, rahimahullah, ils adorent Allah convaincus de sa présence. Ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. Donc ici, il nous cite, rahimahullah, manzilatul ihsan, qui est le plus haut degré de la religion. Al-ihsan, qui est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril l'a questionné à propos de l'islam, la soumission, ensuite l'iman, la foi, puis l'ihsan, qui est le plus haut des degrés, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Donc tu adores Allah comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc l'ihsan, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec bienfaisance. Avec bienfaisance et avec présence du cœur. Donc en sentant constamment la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fera que la personne va parfaire ses actes et va se diriger vers lui subhanahu wa ta'ala seul lors de l'accomplissement des actes d'adoration. Et l'ihsan a été divisé par les gens de science en deux catégories. Cela tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la première, qui a un degré plus haut que la deuxième, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. C'est par quoi a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc ici, la personne adore Allah comme si elle accourait à lui. Donc elle met en avant ash-shawq, le désir de se rapprocher de lui, de le rencontrer. L'amour sera d'un point de vue mis en avant. Donc la personne adore Allah comme si elle désirait le se rapprocher de lui, comme si elle le voyait, comme si elle accourait à lui subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième, il est ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite en disant, et si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc ici, ce qui sera mis en avant sera al-muraqaba ou al-khawf, le fait que la personne sente qu'elle est scrutée, sente qu'elle est observée par Allah subhanahu wa ta'ala, sente qu'elle est observée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela la pousse à parfaire son adoration. Alors que le premier œuvre comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala, de par la connaissance qu'il a de lui, de sa perfection, de ses nouveaux attributs, de son immensité. Alors que le deuxième met en avant al-muraqaba, donc le fait qu'il sente qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, l'observe, le pousse à parfaire ses actes d'adoration et à les faire de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comme cité, le premier degré des deux degrés de l'ihsan, qui est celui où l'amour est mis en avant, est le meilleur. Ensuite vient le deuxième, qui est celui où al-muraqaba ou al-khawf sont mis en avant. هذا والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Et donc la fin du poème sera bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala pour notre prochain cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable, des œuvres pieuses et de nous pardonner nos fautes. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.